we bande ko bangai fongola ni matoyo decision ekweyo ewutie pai na papa papa nangaye l'éternel est désarmé keba papa nangaye l'éternel est désarmé. Le tout puissant, il est le feu dévorant. Nguyanaye, bombe mon côté kokaninango. Lelo yo a décidé à partir d'aujourd'hui. Vinangaye, komeka ko simbate. Oyo a komeka, azali condamné. Condamné à mort, à la peine capitale. Yoka, bawa. Kako simbate oh kombo na ngai komi lelo yo dangereux dangereux ngai na komi dangereux papa na ngai ye l'éternel est de mampinga le tout puissant il est le feu dévorant nguyana ye bomba atomique poussana teo. Lelo yo a décidé à partir de lelo. Vinangaye, moto te a touché. Soki yo komeka, yo kozala condamné. Condamné à mort, à la peine capitale. Yo ka, nangai komeka ko simbate oh pombo nangai komi lelo yo dangereux dangereux ngai na komi dangereux bon olobi yo zali soso ngai nazali mpese olingi yo doda ngai me yeba ete nazali na kati ya molangi yo soso okoka kododa ngai te ata bobengani bino nyonso bokoka ngai te Mulangi wana nzambi tata nangai Azai protection nangai Alingi yo, ngai pena lingi yo Tozano na likambote Soko tiki mabeo zoku salabiso Omi pesi epai na papa nangai Yo poko mi danger de mort hein? Nani alingi ako ma danger de mort Ojodi zanango gratuit ya ofele Pesebe, pesebe, pesebe Yo poko mi na yo lelo yo Komeka ko simbate Oh, kombo na yo ekomi lelo yo Dangereux, dangereux Ngai na yo tokomi dangereux Kombo na biso ekomi lelo yo Yo na ngai tokomi lelo yo Keba Soki opeli Kanga obele yo moko Oh, kombo nanga ekomi lelo yo Na komi nzete moselu Okoka kumata te